Bonjour, vous êtes bien sur Bulle de Rêve, l'émission 100% animation, forcément sur Radio Libertaire. Quelle autre radio vous proposerait 2 heures sur le cinéma d'animation en direct? On doit le générique à Tolu Takemitsu, c'est une musique l'un des plus beaux films de Masaaki Kobayashi qui s'appelle Harakiri Seppuku. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de producteurs qui feront Seppuku, mais en tout cas on en reçoit 4 aujourd'hui autour de la table, 4 producteurs de courts-métrages d'animation. Il y en a que 2 pour l'instant, parce que les 2 autres traînent en route, mais on va les avoir bientôt. Pourquoi cette idée de faire une émission spéciale sur les producteurs? C'est tout simplement, il y a trois. D'abord, 1, parce que j'y connais pas grand-chose, donc je trouve ça toujours intéressant d'en apprendre un peu plus. 2, parce qu'il y a un collectif des producteurs de courts-métrages d'animation qui avait déjà fait une première réunion avant au Festival de Vendôme en 2007, puis là récemment à Clermont-Ferrand, un collectif où il y a du beau monde, hein. Il y a les 3A, les Armateurs, Autour de Minuit, les Films de l'Arlequin, les Films du Nord, Folle Image, Je suis bien content, JPL Film, Lardux Film, Metronomix, Papy 3D, Sacrebleu Productions. Et vivement lundi, dans ma tête, je me disais, mais est-ce qu'il en manque? Est-ce que vous savez s'il en manque? On demandera à Olivier quand il reviendra tout à l'heure. Hein, on demandera ça à Olivier. Olivier Catrin, oui, vous avez bien entendu, pour savoir. Donc, c'est du beau monde. Et je vais recevoir autour de la table donc, Dora Benusilio. Bonjour. Des films de l'Arlequin. Bonjour. Ron Dyens de Sacrebleu Productions, qui n'est pas là. Richard Vandenboom de Papy 3D Productions. Bonjour. Et un jeune retraité de l'AFCA, Olivier Catrin, qui doit être sur son chemin, mais qui est en retard. J'aime bien dire ça, lui qui est tout le temps à l'heure. Pour une fois, je l'ai laissé traîner et c'est bien fait pour lui. Donc, on va revenir un petit peu. Après, je vais quand même les attendre. Donc, on va meubler en lançant. Le premier disque. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire. On va se balader un peu dans le monde entier. Pas de coup de cœur ce mois-ci, même si j'en avais un, mais je me suis après tout autant se balader. Et on va écouter pour commencer un jeune américain qui s'appelle Beirut, dont le groupe s'appelle Beirut. Lui ne s'appelle pas Beirut, oui, qui a 22 ans, qui est énormément influencé, on va l'entendre par donc le nom, c'est Beirut, hein, d'après la ville bien sûr du Liban. Ensuite, on a un premier album qui est énormément influencé par la musique d'Europe de l'Est, comme on va l'entendre. Il a fait cet album il y a un an maintenant, et c'est un jeune américain qui s'appelle Zach Condon. On écoute le morceau qui s'appelle Bratislava. Thank you. Donc, c'était Beyrouth de ce jeune musicien Zach Condon de 22 ans. Donc, Bratislava. Bratislava, c'est la capitale de la Slovaquie. Bravo, Olivier. C'était la première colle. Donc, vous avez entendu. Donc, comme je disais, je reçois 4 producteurs et non pas 2. Et donc, Ron Dyens de Sacrebleu Productions vient d'arriver. Bonjour. Et Olivier Catrin, donc jeune retraité de l'AFCA, qui va nous expliquer bientôt pourquoi il a quitté cette place dorée pour monter cette boîte de production dont il va nous parler, bien évidemment. On va parler d'animation, évidemment, de production. Juste avant, on va essayer de réfléchir un peu comment l'animation fait pour vivre dans le cinéma de prise de vue réelle et un peu de ce qu'il y a. Hier, il y avait les Césars. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu ce moment absolument où Jeanne Moreau nous expliquait à quel point encore la France avait créé le cinéma. Ce côté cocardier devrait s'arrêter un petit peu. C'était assez lamentable de revenir encore sur ces vieux débats de soi-disant qui a créé le cinéma, etc., pour une culture française, ce genre de choses qui évidemment est importante, mais qui je pense ne doit pas passer par des points de vue uniquement cocardiers. Voilà, ça c'était la petite chose qui était dite. C'est pas plutôt Benigni qui a dit ça, non? Oui, elle l'a repris. Ah, ouais. Oui, mais c'était dans elle a dit autre chose aussi. Introduire autre chose. Dans l'animation, on fait tout le temps ça. Encore jeudi soir, il y avait à l'Animathèque, et c'est vrai qu'on a toujours cette idée de dire que nous avons créé le cinéma d'animation. C'est quelque chose évidemment qui n'a aucun intérêt de savoir qui a créé quelque chose, dans le sens où en plus une invention est amenée au cours des ans, et c'est évidemment pas une seule personne qui d'un seul coup va créer, mais c'est un enchaînement de choses. Et le fait d'absolument vouloir garder une nationalité sur une invention, sur le cinéma par exemple, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne chose, mais on est là pour discuter, donc Dora, avec plaisir. C'est pas le thème de l'émission, mais je pense que si Jeanne Moreau hier n'avait pas dit tout ce qu'elle a dit, comme personne ne l'a dit à sa place, ça aurait été encore plus dommage. Alors, juste ce petit mot sur la création du cinéma. Est-ce que c'est pas un peu France, facile? C'est pas très grave. C'est pas un peu facile de dire ça juste dans une. Oui, à un moment donné, empoulé des Césars oui, pendant trois heures. C'était pas le but de son intervention. Le but donc de on son sait intervention, pas trop. C'était de dire que malheureusement, le réseau de cinéma art et essai est sérieusement menacé. Et donc, il faut peut-être un petit peu s'inquiéter de ces manques criants de subventions qui vont bientôt arriver. Je pense qu'on peut hurler contre, en effet, les gros conglomérats, MK2 en tête, UGC, comme je le fais tout le temps ici, sans forcément, justement, absolument vouloir revenir là-dessus. Voilà. Sur cette nationalité. On ne va pas polémiquer là-dessus, mais je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Eh bien, c'est intéressant. Au contraire, non, nous sommes là pour discuter, justement. Alors, Olivier, puisqu'on ne peut pas polémiquer, tant pis. Oui, Alexis, puisque toi, tu es gentil. Olivier, non, puisque j'espère que je vais pouvoir polémiquer un peu plus avec Olivier. Donc, le collectif, j'ai dit d'ailleurs, les 3A, les armateurs autour de minuit, les films de l'Arlequin, les films du Nord, Folimage, je suis bien content, JPL Film, Lardux Film, Métronomique, Papy 3D, Sacrebleu Productions, Vivement Lundi, c'est le gratin. Des boîtes de production d'animation. Qu'est-ce qui manque? Oui, c'est les principales. Il y a Caïman Productions qui s'est rajouté, donc qui est tout nouveau dans l'animation, qui a produit un film qui était au César hier soir, Premier Voyage de Grégoire Sivan, et puis Même en rêve d'Alice Taylor. Donc c'est quelqu'un qui est un peu comme Ron Dyens ici présent, qui a avant tout produit des courts-métrages en vue réelle, et puis qui s'est, par le biais de rencontres, s'est attaché à produire des courts-métrages d'animation, et qui est là, apparemment, il y a pris goût. Donc on a quasiment tout le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment une vraie volonté de fond d'aller vers quelque chose, de se battre pour quelque chose. Est-ce que tu peux te dire, est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas été dans le cinéma d'animation? Enfin, il n'y a jamais eu de mouvement, même si je ne sais pas si c'est vraiment un groupe de pression par rapport à tout ce qu'il peut y avoir, CNC, chaîne de télé, etc. On va en parler. Est-ce qu'enfin, il y a quelque chose qui est prêt à représenter l'animation? Il n'y avait pas avant. Dans l'animation, il y a un syndicat. Oui. Voilà. Alors, syndicat des producteurs de films d'animation. Donc, logiquement, ça devrait être son travail. Simplement, effectivement, ce syndicat représente plutôt des sociétés qui produisent des films pour la télévision, voire du long métrage, mais qui ne s'intéressent pas tellement au court métrage. Donc, effectivement, ils n'ont pas ce rôle. Et le CNC n'a pas vraiment d'interlocuteur au niveau de producteurs de court métrage d'animation. Ils ont des interlocuteurs au niveau des producteurs de court métrage via le SPI, syndicat des producteurs indépendants. Mais là, c'est vrai, il n'y a pas une parole particulière par rapport à l'animation. D'où l'idée l'idée, non pas de créer un syndicat de producteurs de courts-métrages d'animation, mais de créer un collectif qui puisse proposer un point de vue, être un interlocuteur, etc. Oui. Préciser que c'est quand même avant tout centré sur le court-métrage, parce que si on prend la série ou le long-métrage, il y a plein d'autres structures qui existent, Xilam, Spirit, qui font de l'animation en grosse quantité, mais qui ne s'intéressent pas au court-métrage. C'est ça, l'idée était de créer quelque chose pour le court-métrage. Pour le court-métrage uniquement. Et les problématiques ne sont pas les mêmes quand on produit de la série télé. Tout à fait, il y a La Fabrique qui fait aussi tout un tas de beaucoup d'animations qui ne font pas partie du collectif pour l'instant, peut-être qu'ils y viendront, mais ce qui nous a regroupés, c'est avant tout la défense du court métrage et surtout une volonté de faire prendre en compte les spécificités de la production du court-métrage par les institutionnels Dora, et les financiers. Dora, ça paraissait une évidence aussi ce collectif au bout d'un moment. On parlera après, en première partie, on va parler de ça, de vos sociétés. Et en deuxième, on parlera de ce document que Olivier m'a gentiment envoyé où il y a des choses qui sont assez étonnantes et édifiantes sur la production. Est-ce que c'était aujourd'hui, il fallait absolument le faire ? Moi, j'ai été pendant plus de 10 ans au SPFA, c'est-à-dire au syndicat des producteurs français d'animation. J'ai quitté ce syndicat il y a maintenant presque 2 ans, et entre autres parce que ce domaine-là de l'animation était absolument... c'était même pas négligé, c'est-à-dire qu'il n'avait absolument aucune espèce d'existence à l'intérieur du syndicat. Et il n'y avait aucune façon de faire bouger le syndicat sur la problématique très particulière du court-métrage d'animation. Donc c'est pour ça que quand cette structure a vu le jour... Tout naturellement, j'y ai adhéré pour effectivement faire bouger les choses au niveau du court-métrage d'animation. Il faut peut-être préciser d'ailleurs que les producteurs qui sont présents dans ce collectif peuvent aussi avoir d'autres activités. Ils peuvent produire des courts-métrages de fiction, ils peuvent produire des films pour la télé. Ce n'est pas uniquement des gens qui s'intéressent aux courts-métrages d'animation. Oui, c'est ça. On peut avoir donc, d'autres sociétés... Richard, tu disais ne participez pas, mais après tout, ça peut être, sans parler de lobbying forcément, est-ce que justement d'avoir d'autres sociétés qui font peut-être un peu de séries télé ou des spéciaux TV un peu pourraient rentrer dans ce collectif, c'est quelque chose qui est... S'ils produisent du court-métrage et qu'ils sont sensibles aux problématiques qui sont liées au court-métrage, pourquoi pas ? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui s'y intéressent. Récemment, une société comme CIP Animation... s'est mis à produire des courts-métrages d'animation, alors que ça faisait des dizaines d'années, on va dire, qui produisent de la série pour la télé. Je ne sais pas, peut-être, il faut leur poser la question. Je crois que le collectif n'est pas fermé dans son esprit. Il se trouve que moi, par exemple, j'ai donc une maison de production qui a commencé par la prise de vue réelle, et j'ai décidé de développer du court-métrage d'animation, parce que c'est un genre particulier, c'est une écriture particulière, et donc je vois pas pourquoi je devrais par exemple demander à un réalisateur qui a envie de faire un film d'animation de passer en prise de vue réelle, parce que je maîtrisais à l'époque que la prise de vue réelle. Donc j'ai eu un désir d'apprendre, et effectivement j'ai vu des problématiques qui étaient différentes du court-métrage en prise de vue réelle, mais c'était des contraintes qui n'étaient pas vraiment reconnu parce que pas toujours très connu, pas toujours. Et puis c'est vrai que l'animation, il y a peu d'animation en termes de pourcentage, ça tourne entre 7 et 10%, je crois, des numéros de visa chaque année environ. On va dire 7 pour être large, 7 à 15%. Donc ça paraît très très peu. Et en termes de maison de production, c'est un peu la même chose, c'est une expertise qui est nécessaire. Alors, on va. On a bien commencé, on va partir aussi par le plaisir. Et pourquoi ? J'aimerais savoir, alors rapide présentation, les films d'Arlequin, si j'ai bien vu sur le site internet, est né depuis 1991. Oui. C'est ça. Et alors, c'est des grands noms, hein, puisqu'on a, on a Serge Elissal, notamment Florence Milla et Serge Avedikian, qui ont été produits par la société. Marie Pacou aussi, en effet. Un jour. Pardon ? Alors, déjà dans les courts. C'est pas du court-métrage, ça. Voilà, déjà, je voulais parler des courts-métrages, en effet. Donc, déjà, les courts-métrages, on a le dernier, Serge Elissal, L'homme de la Lune, Comte de Quartier, Au premier dimanche d'août, qui avait eu le César 2002 du meilleur court-métrage. Comte de Quartier qui a eu un prix. À Cannes. Tout à fait. Même Maz de Christian Volkmann, oui, en coproduction, le premier film. Donc des spéciaux TV, d'une certaine, Olivier me dira quand même, d'une très bonne qualité, hein, d'une très bonne tenue, puisqu'on a des gens comme en effet O.L. Caoussin, encore Serge Elissal, mais aussi Jean-Jacques Prunès, qui a fait des choses incroyables et très très bons. Par contre, j'avais pas du tout, j'ai vu que L'œil du loup avait été réalisé en collaboration avec René Laloux. C'est-à-dire que René avait commencé à écrire l'adaptation, puisque Daniel Pénac et René Laloux se connaissaient très bien. Mais René a été nommé au même moment à la direction de l'école qui venait de se créer à Angoulême. Donc il n'a pas pu continuer et c'est OL qui l'a remplacé donc, dans la réalisation de ce spécial. D'accord. Il y a aussi un long métrage. Oui. Le monde moi, j'ai commencé ma carrière par un long métrage. C'est le cours. D'accord. Original. Le plus difficile. Oui, mais à l'époque, c'était pire encore que maintenant. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui donne c'est ça qui vous a donné l'envie de créer les films d'horreur 15, c'est ce film-là Oui, bah, c'est-à-dire qu'en réalité, moi, je ne viens pas du tout du monde de l'animation. Moi, je viens du monde du livre, puisque j'ai été libraire 10 ans et puis j'ai travaillé dans l'édition ensuite. Et un bon copain à moi, Albert Kaminski, qui est donc un réalisateur de films d'animation, et puis ma sœur, ont voulu adapter 4 contes de Singer, d'Isaac Bashevis Singer, pour en faire un long métrage. À l'époque, je travaillais donc dans l'édition, donc ils m'ont demandé de m'occuper d'acheter les droits pour eux, de négocier les droits pour eux. Et je ne sais pas par quel phénomène incroyable, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à produire ce film, alors que je n'y connaissais mais rien du tout. Mais ni en production, ni même en fabrication d'animation. Et ça a été une école sur le tas, quoi. Complètement sur le tas. Et il m'est tout arrivé sur ce film. C'est-à-dire que du moment où ils m'ont demandé de m'occuper de négocier pour eux les droits avec les éditeurs américains et au jour où le film est sorti en salle, il s'est quand même passé 10 ans. Ouais. Et on va parler des délais qui voilà. sont énormes et qui sont... Non, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas moyen de... L'avance pour recette n'existait pas pour les longs-métrages d'animation. Les commissions disaient qu'ils n'étaient pas compétents. Donc un jour, on est allé voir M. Lang, qui a créé une commission d'experts auprès des gens de la commission d'avance sur recette pour les conseiller, justement. Enfin bon, il n'y avait rien. Le dernier film d'animation qui avait été produit en France avant, c'était celui de Jacques Colombat... bien des années avant, ouais, Robinson et compagnie. Et après, ça a été le désert le plus total, jusqu'à ce qu'il y ait eu quelques soubresauts ensuite, et puis maintenant, peut-être quelque chose de plus stable. Quand on voit hier les Césars, les deux Césars qu'a eu Persepolis, on peut que se féliciter de l'aventure du long métrage. Et puis bon, c'était naturel qu'on fasse des courts-métrages, et c'était encore plus naturel qu'on fasse de la télé parce que sinon on ne pouvait pas financer nos courts-métrages. Pardon, en quoi c'était naturel quand on rentre un peu par hasard dans le long-métrage d'animation, en quoi c'est des rencontres avec des gens, c'est comment ça ben se oui, passe? Parce que quand on a commencé à chercher des gens pour travailler sur notre long-métrage, moi j'ai rencontré Serge Elissalde, donc ça fait quand même longtemps. Serge, il avait fait le balayeur tout seul dans son coin. Je rappelle que ça lui a pris quand même presque 5 ans pour animer 6 minutes. Et donc quand il a bossé sur Le Monde est un grand chêne, mais quand il a eu envie de faire un nouveau court-métrage qui était Émile Frout, c'est tout naturellement qu'il est venu vers moi et que moi j'ai fait mon possible pour qu'on trouve des financements pour ce court-métrage qui a été très très ambitieux et très compliqué et très long, enfin comme d'habitude quoi. Voilà. Puis bon, toutes les autres rencontres que j'ai faites... Juste pour parler, elle est déjà venue ici, la rencontre avec Florence Miaille, comment elle s'est passée ? C'est Florence qui est venue me voir parce que son producteur habituel avait fermé sa société et elle avait entendu parler de moi par plusieurs personnes, donc elle est venue me voir, on s'est bien entendu très vite et voilà. Et puis comme moi je suis les gens, je pense que les gens bâtissent une œuvre en court-métrage d'animation, parce que c'est pas évident de passer au long-métrage ensuite. Donc j'ai suivi Serge, Florence, Marie Pacou. Serge avait dit qu'Ambre, il est allé produire, mais pour une autre raison. Mais là, le nouveau, c'est avec moi qui va le faire. Voilà, c'est... Puis des nouveaux, des jeunes. Oui, Sandra Desmazières, dont Sandra on Desmazières, souvient alors, magnifique film d'étudiants. Voilà. Sans queue ni tête. Elle, je l'ai rencontrée au Forum Cartoon. Nous, on était nommés pour... Avec le film de Serge Avedikian, Ligne de vie. Et on l'a rencontrée parce qu'elle était nommée aussi pour Sans queue ni tête. Et puis, on a passé 4 jours très drôles ensemble. Et puis, voilà, quand elle a eu ce nouveau projet qui est bientôt fini... Ben voilà, c'est moi qui lui ai produit. Serge Avedikian, je le connaissais parce qu'on a fait de la fiction aussi au film de l'Arlequin. On a fait des téléfilms et il était comédien dans un des téléfilms. Donc pareil, il est venu me voir pour Ligne de vie, qui était son premier film. C'est comme ça, c'est des rencontres un peu exceptionnelles. Puis maintenant, je reçois des projets de partout, du monde entier. Et là, je finis la coproduction d'un film qui est israélien, hollandais, danois et français. Wow, un court-métrage donc. Un court-métrage très politique. Très politique. Bon. Voilà. Juste Olivier, parce que tu seras un peu mon partenaire là-dessus, même si tu es invité, mais tu connais mieux que moi. Ce parcours, aujourd'hui, il est faisable, c'est-à-dire de rentrer d'un seul coup comme ça, sans, presque sans le vouloir. Sur un long métrage ouais, dans le monde de l'animation, est-ce que... J'en sais rien, à vrai dire, ça me paraît fou, moi. Non, mais j'ai changé très souvent de métier dans ma vie, alors pour moi, c'est normal. D'accord, donc c'est plus une question de personne, parce que ça paraît fou, c'est vrai qu'on entend ça, on va en parler beaucoup des difficultés de produire, ça paraît étonnant de rentrer directement dans le long, puis après... Mais par contre, de suivre des gens, c'est quelque chose d'important dans l'animation. Je crois que c'est la politique de tout producteur de court-métrage, en tous les cas, mais même aussi dans le long-métrage, c'est le cas aussi, enfin bon... Après, c'est un problème de choix, mais y a quand même, on voit quand même il y a des gens qui sont suivis par des producteurs. Un jour, ça s'arrête ou pas, mais c'est quand même intéressant, je trouve. Enfin, les producteurs répondront mieux que moi là-dessus. C'est quand même intéressant de pouvoir suivre le parcours de quelqu'un, de suivre l'évolution de l'œuvre. Moi, je viens du livre. C'est presque comme une maison d'édition qui édite un auteur. Ben voilà, nous, on édite d'une certaine façon, entre guillemets... un artiste. Et l'obligation de faire des spéciaux TV, notamment des séries télé. C'est pas une obligation, c'est surtout un plaisir. Mais justement, comment transformer? Parce que ça ne rapporte pas des masses d'argent, les spéciaux. Ouais. Les séries, oui, ça peut rapporter plus d'argent. Mais les spéciaux, c'est déjà difficile à financer. C'est difficile en coproduction parce qu'on peut difficilement partager le travail. Et ça se vend pas cher, puisque c'est jamais que des 26 minutes. Mais c'est un peu le même genre de politique, parce que quand je prends l'exemple de Jean-Jacques Prunès, qui ne veut pas travailler sur des grosses séries en tant que réalisateur, ça l'intéresse pas. Lui, il préfère les spéciaux. Donc, il en a fait 3 avec moi. Là, il finit une série. On finit une série qui est une adaptation des histoires comme ça, de Kipling. Et vous allez voir, c'est assez prodigieux. Mais comment on réussit à quand même, quand on a produit des gens comme Elissa, Almiaï, par exemple, avec des qui en court-métrage, à garder quand même une certaine volonté de qualité. Je le disais, c'est personnel, mais je pense que tout le monde, toi, Ada, peut le dire au niveau des spéciaux TV. Pour s'en souvenir, moi, j'ai noté, mais il y a Cheval Soleil, Jean-Jacques Prunès, il y a Catfish Blues, il y a Verte, Serge Lissal, qui était quand même assez incroyable. Eugénio. Il y a Le Roi de la Forêt des Brumes, Eugénio, Jean-Jacques Prunès, L'œil du loup, Dernier métro avant Noël, Jean-Charles Fink. Sa première réalisation. Il y a vraiment des beaux noms. Et Merlin, déjà. Avec Morane Caouissin, les deux Merlin. C'est comme ça, c'est mes goûts personnels. C'est ça, il faut suivre ses goûts, se faire plaisir. De toute façon, moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de concessions. Alors, ou ça passe, ou ça casse, quoi. Si je peux pas produire, je produis pas. D'accord, c'est aussi net que ça. oui, c'est aussi net que ça. Alors, on n'y arrive pas. Sacrebleu Productions. Pour Ron, c'est créé en 1999. Pareil, j'ai regardé sur les sites. Faut me dire si j'ai fait une erreur. Donc, au départ, c'est en effet plus des films de fiction et d'entreprise. Et c'est à partir de 2003, avec la post-prod du film d'étudiante Cédric Babouche, La Routine, que les choses sont mises en place. Après, il y a 2005, le hit Imago. En tout cas, le hit dans les festivals, je ne sais pas au niveau financier, mais en tout cas, dans les festivals, il est passé dans beaucoup de festivals. C'est vraiment un film qui est passé. Matopos, le superbe film de Stéphanie Machuret. Le Loup Blanc de Pierre-Luc Grangeon. L'incroyable La Mariée des Canis de Simone Massy. En production, il y a L'Homme et le Seul Oiseau qui porte sa cage. Claude Weiss, j'essaie de me souvenir, son film d'étudiant, c'était... Douce Illusion, Colm Emile Cole. C'est ça, Emile Cole, lui aussi. Ça y est, Cédric Babouche aussi, non? Vient d'Emile Cole, c'est ça? Et un film, alors là, que je n'ai pas vu, qui est un film de Georges Sifianos, qui est déjà venu, c'est Moa, notamment. Alors, Georges Sifianos, qui est l'un de nos grands, professeurs en tout cas à l'ENSAD, et qui est un grand théoricien du cinéma d'animation. Pareil, qu'est-ce qui donne envie d'un seul coup de passer de la fiction à l'animation, sachant que ça va être compliqué? Ben, c'est ce que je vous ai expliqué. Et en fait, je pense que c'est un peu les mêmes raisons que pour Dora. C'est-à-dire qu'on part d'une envie. Je crois que c'est un peu, si j'ai créé ma maison de production et qu'elle s'appelle Sacre Bleu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un désir et puis des fois, on se dit, bon, on réfléchira après. C'est-à-dire on part et on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement et puis on fonctionne d'abord à la volonté, au coup de cœur. Et parallèlement, on essaye d'apprendre en même temps. Alors évidemment, on va trébucher beaucoup plus, mais au moins, dès le début, on va connaître quasiment tous les pièges. La fiction, ça a été pareil. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout eu de formation en production, etc. Je suis parti plus que d'un désir de produire, puisque en fait, je suis également réalisateur. Et en fait, je devais être produit par une autre maison de production en amenant une certaine somme d'argent, moi de mon côté. Et au dernier moment, ça n'a pas fonctionné avec cette maison de production. Donc, j'ai décidé sur un coup de tête de créer ma maison de production à la fois pour produire mon film et aussi pour dire jamais je ferai ça à des réalisateurs que j'aurai. J'ai envie d'être sympa avec eux, etc. J'étais beau. Et après, je me suis rendu compte, j'ai compris un peu la production, enfin, peut-être pas l'attitude de la production, de la maison de production, mais en tout cas, les difficultés de produire des films. Et puis après, moi, j'ai une formation A3, donc littérature et art plastique. J'ai beaucoup peint de mon côté quand j'étais un peu plus jeune et j'ai eu envie de retourner à mes premières amours. C'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnement entre un film en prise de vue réelle et un film en animation, c'est pas du tout la même chose. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, on était sur nos formats raisins, on peignait, etc. Et puis, on avait le temps d'aller voir ce que faisaient les autres. On avait le droit de copier, entre guillemets, sur les examens qui duraient 4 heures, etc. Et en fait, j'avais envie de retrouver un peu ce rythme un peu nonchalant, un peu lent, etc. De la production, enfin du dessin et donc de la production d'animation. Et donc c'est un fonctionnement qui est complètement différent. D'un côté, on s'énerve entre guillemets à 40 personnes pour le bien d'un film pendant une semaine à 10 jours, et de l'autre côté, on va faire un film qui va durer entre, entre 6 ans. Et là, par exemple, le film de Claude, ça fait 4 ans qu'on est dessus, pour un 12 minutes, donc ça fait pas mal de temps. Et donc voilà, les rythmes sont vraiment complètement différents. Et je trouve ça assez agréable, enfin sur le film de Claude, c'est assez agréable de voir le travail du dessin progressivement. Enfin, il faut savoir qu'il y a une seconde par jour en animation traditionnelle. On fait une seconde pour un animateur, donc c'est sidérant, quoi. C'est-à-dire, alors que d'un autre côté, si on fait un court métrage en prise de vue réelle, ça va être 2 à 3 minutes utiles par jour. Donc c'est complètement différent. Et quand Cédric Babouche, d'un seul coup, parle d'imago après la routine, c'est pareil. On aura une évidence qu'il faut l'accompagner, comme Serge Lissal est venu en disant je vais faire mon cours. En fait, moi, après, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'était d'être un peu plus rationalisé que, évidemment, les erreurs que j'ai pu faire en prise de vue réelle. Donc j'ai décidé de faire de produire de l'animation. Donc on a commencé à travailler, à aller dans un ou deux festivals, à essayer de repérer un peu des auteurs, des jeunes auteurs, avec l'idée de post-produire un film éventuellement, et ensuite d'accompagner le réalisateur sur un autre projet qu'on gérerait en termes de production, puisqu'il y a des systèmes d'aide, on en reviendra, des systèmes d'aide du CNC, qui notamment une sorte d'aide automatique qui s'appelle l'aide au programme. Et donc on sait grosso modo qu'on va avoir une aide, donc après on décide où on met cette aide, si on la met sur tel film ou tel autre film. Donc je savais que j'allais la mettre sur un film d'animation, cette aide, mais il fallait encore que je développe une relation avec un auteur. Donc avec Cédric, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on lui a expliqué qu'on allait post-produire son film de fin d'études et que, a priori, s'il écrivait quelque chose de bien, parce que quand même, faut jamais dire je te produirai quoi qu'il arrive, parce que sinon, après, les gens deviennent parfois flemmards. Je lui ai dit, voilà, je vais te mettre en concurrence, on va aller voir toutes les écoles, on va dire, voilà, on a une carotte qui est l'aide du CNC, amenez-nous des trucs. Et bon, il se trouve quand même qu'on a décidé de travailler avec Cédric parce que je le connaissais, parce que son projet était vraiment bien, etc. Et quelque chose s'était mis en place. Et surtout, c'est un très gros bosseur, quoi. Voilà. Que le projet ait marché autant que ça, en tout cas qu'on l'ait vu beaucoup, donne envie? Ou alors est-ce que la rencontre avec Stéphanie Machuret pour Matopos, qui avait participé des films de Jérôme Boulbès, qui avait participé, mais qui n'avait pas fait, de, si je ne dis pas de bêtises, son premier cours. Jean-Pierre-Luc Grandjean est, plus, bien sûr, plus connu. Comment ça se passe, les rencontres? Parce que ça doit être fait avant, je suppose, 2006, pendant le tournage d'Imago. Il faut déjà prendre bien sûr. Des contacts avec d'autres. De toute façon, le travail d'un producteur, c'est à la fois de produire un ou des films, de chercher des auteurs ou des projets, et de distribuer, enfin ça c'est en court-métrage après, et de distribuer les films qui ont été terminés. C'est un effet régulier de gestion de personnes et de d'état de films. Quand je dis état, c'est en un seul mot, hein. À des moments donnés, et donc c'est un effet de roulement. Il ne faut pas se reposer non plus, évidemment on est très content quand le premier vrai film qu'on produit est sélectionné à Annecy, il est à Cannes, il a 2 prix à Cannes, enfin bon, ça a été quelque chose de super, mais en même temps il faut évidemment pas en rester là, parce que sinon on peut très vite vous savez, moi le premier film que j'ai réalisé, il a fait 0 festival, le deuxième que j'ai fait, il en a fait 150. Donc je savais qu'au troisième, j'allais pas faire 150, et que si tout allait bien, j'allais pas en faire 0. Donc d'une certaine manière, voilà. Mais en même temps, il faut continuer à être heureux et intrigué et intéressé de trouver des jeunes talents et de les soutenir, quoi. Comment s'est fait la rencontre avec, parce qu'on l'a déjà entendu, on le connaît dans le monde de l'animation, avec Georges Sifianos? Avec Georges, en fait, il est venu me voir quasiment au tout début où on a développé l'animation. Il avait un projet assez compliqué, il avait déjà des financements, alors c'est pas nécessairement un critère, mais c'était quelqu'un qui intellectuellement était très intéressant, et très intéressant, hein, toujours, oui. Voilà, et voilà, et donc j'ai eu envie de le produire, sachant que j'avais vu son film précédent, en fait, Tutu, qui est un film qu'il a co-réalisé avec... Pascal Dalet, voilà, qui est instituteur. Et en fait, là, il a fait un objet complètement différent, en fait, avec ses mois, en fait, un film sur les relations humaines et sur les rapports de force, etc. Mais il est venu nous voir. Je crois qu'en fait, il a vu plusieurs maisons de production avant pour rajouter du financement à son film qui était déjà en partie financé. Il savait qu'on avait l'aide au programme, qu'on commençait à développer l'animation puisqu'on avait fait Imago, et donc il est venu nous voir, et donc le personnage plus que le film, là pour le coup, m'a intéressé parce que le film était très le dossier était très intellectuel, mais le personnage était assez vivant, etc. Il avait un background assez important. Et donc, ça m'a donné envie de vivre une expérience différente, justement, de celle d'avec Cédric, qui était un ancien étudiant tout juste sorti de l'école, presque sans barbe à l'époque. Voilà. Et là, j'avais un vieux monsieur, quand je dis vieux, avec beaucoup d'expérience. En tout cas, avec une connaissance d'animation assez étonnante. Et donc, c'était une sorte de cours en accéléré, quoi. Voilà. Alors, on va faire une première pause avant de revenir avec Richard et Olivier pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire de production. On va voyager, comme je vous l'ai dit, au niveau musique. On va écouter un morceau de Gnawa Diffusion sur leur album de 97 qui s'appelait Algeria. Et donc, on va écouter Baba Salem. Baba Salem, Baba Salem, Voilà, Richard Van Den Boom, toujours grand connaisseur de musique et qui adore ça, me disait, il est rayé le disque. Ouais, des fois, quand on dit des choses off, je l'ai dit en on, faut pas croire. Donc, mais c'était Gnaou à diffusion, hein. Mais je le sais bien, c'est pour ça que je me suis permis de le dire. Je sais que tu vas assumer ce genre de propos. Alors, ça, c'est petit, Alexis. Dénoncer ses invités quand ils parlent en off, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Hein. La dénonciation sur Radio Liberté. Alors, c'est... Non, mais parce qu'on en est là, on est entre nous. C'est qui m'avait dénoncé à propos de Bourville et en disant que je chantais entre. Et voilà, donc Olivier vient de prier son propre jeu de dénonciation, il ne peut plus rien dire. Et donc nous écoutions quand même Gnawa Diffusion avec sur l'album Algeria, et c'était le morceau Baba Salem, un très très bel album que je vous conseille. Nous en étions, puisque Richard a la parole. Richard, c'est. Richard Van Den Boom, c'est Papy 3D. Papy 3D s'est fondé en janvier 2006, au départ par. Un collectif de réalisateurs. Il va nous expliquer un petit peu. Il y a plusieurs personnes en fait qui ont créé cette société. Je commence avec les réalisateurs, Gilles Cuvelier, Franck Dion, Suki, Sarah Van Den Boom. Donc hein, Gilles Cuvelier, Chahut, vous en avez souvent entendu parler ici. Franck Dion, l'inventaire fantôme, Monsieur Coq. Si je dis pas Monsieur Coq, il va me tuer. Donc Monsieur Coq, vous en avez souvent entendu parler aussi ici. Suki, c'est notamment Reflet. Et Sarah Van Den Boom, c'est le très beau, à force de dire n'importe quoi, Novicento. Je m'amuse toujours avec son titre et donc je commence à mélanger. Donc voilà, et il y a deux autres personnes, Jean-Michel Collet et toi-même Richard. Pourquoi, c'est quoi l'envie de Papy 3D à la base? Oh, c'est vraiment une rencontre. Hein. Ce sont des personnes qui, pour la plupart, se sont rencontrées sur le Forum des Fous d'Anime. C'est un site internet d'une association du Nord-Pas-de-Calais, de passionnés d'animation. Et cette première rencontre qui s'est faite, c'est un forum qui est assez informel, assez, où disons que le parler est assez libre. Ça s'est suivi en fait, par une rencontre à Annecy pendant le festival. Et puis de fil en aiguille, il y en a un autre qui n'est pas finalement dans les fondateurs, mais qui a lancé, c'est Jérémy Clapin, qui a lancé l'idée de monter une société de production. On a plusieurs se sont greffés dessus. Bon, j'ai Jérémy qui était Jérémy en pleine... qui a fait une histoire vertébrale. Ouais, et qui vient de faire, qui a un projet là, qui vient de finir, qui a l'air absolument magnifique, oui. La Ski Design. Bon, lui, il a été très pressé de monter son projet, donc finalement, il n'est pas rentré dans Papy 3D. Et puis bon, de toute façon, notre idée, c'était de fonder quelque chose de relativement collégial. Donc, il ne s'agissait pas de pousser les gens à participer absolument. Donc, finalement, la société s'est montée avec les personnes indiquées. La volonté essentielle, c'est que ce sont des gens qui s'entendent bien, je crois, qui ont du respect pour leur travail respectif et qui ont envie de monter une structure ensemble pour... à la fois pour, pas forcément pour travailler sur les projets des uns et des autres, mais pour participer à une aventure collective, pour pouvoir voir chacun des projets des uns et des autres se monter, voir comment il évoluait, s'en inspirer ou non. On garde depuis 2 ans, en fait, on a constamment conservé cette façon de fonctionner. On travaille beaucoup par Internet, on a fait notre petit forum à nous, on discute, on se montre les uns les autres ce que chacun prépare. Ça donne une espèce d'émulation entre les réalisateurs qui est assez intéressante. Parce qu'on aurait pu croire, mais en fait, en connaissant un peu l'histoire de certains réalisateurs, on aurait pu croire qu'il y avait cette volonté d'un seul coup de se dire comme... des grands studios hollywoodiens au tout début, de se dire entre créateurs, on va monter notre propre studio pour éviter justement les autres producteurs la difficulté. Mais en fait, Sarah qui est venue à ce micro nous a dit qu'il y avait eu des difficultés sur Novecento, mais Franck Dion, c'était les armateurs, ça s'était passé complètement différemment. Gilles, c'était Cuvelier, c'est les films du Nord, donc c'était aussi différent. Et Suki, c'était tout seul. Oui, lui, il était autoproduit. Chacun a une vision différente finalement de la production à la base. Donc, oui, c'est pas du tout une société qui s'est créée par réaction contre les producteurs en général. D'ailleurs, pour la plupart, ils avaient tous eu de bonnes relations avec leurs producteurs et ils l'ont toujours. Nous, on a très bonne relation, enfin, Gilles a une très bonne relation avec Arnaud, autant que je sache, des films du Nord. À partir du moment où on a créé cette structure et à partir du moment où on s'est impliqué dans le collectif, on a de très bonnes relations avec les autres producteurs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça depuis une vingtaine d'années ou même une dizaine d'années. Il faut voir que nous sommes arrivés à une époque où finalement, c'est beaucoup plus facile de monter du court-métrage que ça ne l'était avant, parce que Papy 3D, c'est vraiment fondé sur le principe de faire du court-métrage d'animation. Si je voulais parler de notre cœur de métier, c'est ça. On envisage d'autres types de projets, mais c'est vraiment périphérique pour l'instant dans notre perspective. C'est-à-dire que vraiment, tous ceux qu'on essaie de monter, ce sont des courts-métrages. Mais c'est beaucoup plus facile pour des questions financières. Le système financier est beaucoup mieux en place qu'il ne l'était il y a 15 ans. Pour des questions techniques, on peut faire un court-métrage de chez soi extrêmement simplement maintenant avec les ordinateurs. L'évolution technologique a permis de faciliter énormément de choses et surtout de faire ça pour un coût On en parlera après. Les bruissements dans le studio. Je vois que on en parlera. Non, mais je vois le premier film de mon épouse, donc Sarah Vandenboom, Novecento. C'est un film qu'elle a fait pratiquement intégralement chez elle dans son salon. Ça a demandé beaucoup de travail. Dans notre salon. Tout à fait. Oui, je fais bien de préciser. Et ça a pris 18 mois de travail pour un film de 17 minutes. Mais qui est entièrement animé à la main, image par image, et entièrement colorisé à la main avec un logiciel relativement rudimentaire, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à Photoshop. Donc c'est pas du tout, on n'a pas utilisé même des outils extrêmement évolués pour le faire. Donc je pense que nous arrivons dans une période où c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'on en bénéficie et... Je tiens à tirer mon chapeau à tous ceux qui portent le court-métrage depuis une vingtaine d'années, parce que je pense que ça n'a pas dû être toujours aussi simple. Et là, ça fait... j'ai même pas fait attention, c'est quoi? Janvier 2006, on a dit? Oui, ça fait deux ans. Ça fait deux ans que la boîte est montée. C'est quoi, quand on monte une société, là, au bout de 2 ans, ça y est, Monsieur Coq, le premier film vraiment fait à l'intérieur de Papy 3D est fini. Ouais. Il va être lancé, festival, etc. Il est passé en télé sur Canal. Comment on monte ça? C'est quoi? On va voir le CNC d'abord, on frappe à la porte. Comment on fait? Il n'y a pas tellement de mystère. Hein. On fait des dossiers, on les présente au CNC, et puis on les présente à tous les financiers possibles et imaginables. Donc ça nécessite, à partir du moment où on est à la création de la société, s'il n'y a pas des projets qui ont été initiés déjà, ça nécessite un certain délai. Mais même dans notre cas, en fait, Monsieur Coq, le dossier a été déposé pratiquement dans le mois qui a suivi la création de la société. Pourtant, la production n'a commencé qu'au bout d'un an, le temps de récupérer tous les financements, de monter la production. Et après, c'est un rouleau compresseur. D'accord. On pose d'autres dossiers. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Pour l'instant, nous, je trouve qu'on a, bon, on a bénéficié, je pense, de projets intéressants, mais on a eu de la chance, entre guillemets. Les trois projets qu'on a proposés en CSC ont tous obtenu l'aide sélective, parce que donc nous, comme on est jeunes, on ne peut pas bénéficier d'aide au programme d'entreprise encore. On a obtenu des financements. La société est jeune, hein, pas forcément les gens qui travaillent dedans. Mais ça veut dire quoi, ce monsieur? À préciser. D'ailleurs, d'où vient le nom de Papy Travail? Ah, alors... évidemment, il fallait poser la question. C'est un calembour complètement absurde qui a eu lieu sur le forum des fous d'Animes, à l'époque où Franck Dion s'aimait bien arborer sur le forum une personnalité de patriarche de l'animation, n'est-ce pas? Donc, il a à peu près mon âge, donc dans les 38 ans, donc c'est pas encore un vieillard, hein, on va dire. Et en gros, il a commencé à dire qu'il se mettait à la 3D. Et un autre participant du forum, qui était étudiant à l'époque, a commencé un peu à lui envoyer une petite pique. Ah, tu fais de la 3D de papy, chose comme ça. Ça a dérivé, ils ont fondé une sorte de collectif de réalisateurs juste pour discuter. Et puis, bon, bah, quand on a créé la société, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, autant garder le nom. Oh, je pensais que c'était une bière ch'ti, moi. Ça pourrait, oui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera par la suite. Ça sera dans le merchandising de la société, ça sera la bière. C'est un peu le genre de nom un peu bête qu'on prend pas a priori parce qu'on trouve ça rigolo, puis après on le regrette parce que quand on appelle la banque pour dire qu'on dit on est allô, c'est Papy 3D, on se sent un peu crétin. Et puis quand on reçoit toutes les semaines des étudiants qui vous envoient des dossiers pour des films en 3D, on est aussi un petit peu embêté. Ou alors pour avoir des postes, on est un peu embêté parce qu'on leur répond. Le problème, c'est que le 3D, c'est un calembour, c'est pas vraiment... on fait pas de 3D vraiment, en fait. Et en fait, c'est le cas pour l'instant, on n'a fait aucun film en 3D. Oui, parce qu'il y a... voilà, hein, y a pas le premier, c'est de l'animation after à partir de maquettes et de retouches photos. Ça ressemble plus à du papier découpé. Hein, c'est du papier découpé. Le ensuite, deuxième, il y a Sarah Vandenboom, donc Sarah, la femme squelette. On a la femme squelette, oui, ça va être de... Bah, le film, on commence la production, là. Donc c'est de la 2D. Hein, c'est de la 2D qu'a full anime qui sera ensuite retravaillée numériquement. Et un amour de pommes de terre. Et un amour de pommes de terre de Gilles, ça va être de la 2D numérique avec retouche probablement du travail After Effects pour les décors. Tout ça n'est pas très calé. Et juste, il y a un travail beaucoup avec le studio Train-Train qui a été monté par Gilles travail, aussi, Gabriel Jaquel. Oui, Claire Trollet et Samuel Guénolé. Donc on travaille beaucoup avec, avec ce studio qui est constitué essentiellement de gens qui ont énormément travaillé avec les films du Nord. Qui est à Roubaix. Il y a deux raisons principales. D'abord, et c'est quand même la principale raison, c'est des gens qui sont très talentueux, qui font de l'animation qu'on aime bien, qui font une belle animation. Puis deuxièmement, ça nous permet de viser des ailes régionales, ce qui, pour monter des projets de court-métrage, n'est pas du luxe. Et juste à niveau personnel, toi, tu n'étais pas du tout... producteur, c'est pas du tout ton boulot. Tu rentres là-dedans. Ah non, je suis même pas. C'est pour ça. On est encore plus imposteur que ça n'en a l'air. C'est que moi, je suis pas. C'est pas mon métier à temps plein. Je fais un autre métier à côté de ça. En fait, je travaille dans l'informatique et je ne vis pas. Je ne pourrais pas vivre de la production actuellement. Ça viendra peut-être dans le futur. Je sais pas. Ça ne me déplairait pas, mais pour l'instant, je fais surtout essentiellement de l'administration. Il faut voir qu'on a un fonctionnement qui est très collégial et surtout qui part du principe que le réalisateur est producteur exécutif de son film. Ça veut dire que c'est globalement lui qui gère la production de son film, qui est responsabilisé là-dessus. Moi, je suis là en soutien d'un point de vue pour l'administration, pour la comptabilité, pour les contrats, et puis bon, pour s'assurer que au niveau dépenses, on est dans les rails, quoi. Mais notre volonté, c'est de responsabiliser vraiment le réalisateur et d'avoir un fonctionnement qui est très horizontal. C'est-à-dire que ce n'est pas le producteur en relation directe avec le réalisateur, et puis c'est tout, un fonctionnement plus vertical. Nous, c'est tout le monde. est plus ou moins sur le même plan. Et au niveau décisionnaire, nous sommes tous décisionnaires sur ce qui sera produit et sur les choses qui sont, sachant qu'en fait, on n'est pas très... on ne met pas tellement de veto, quoi. On a tendance à soutenir chacun dans les projets qu'il a envie de monter. Donc, on a trois la maison de production vraiment bien différentes. Enfin, en tout cas, au départ, dans la base. Maintenant, on va voir le petit dernier qu'on a gardé pour la bonne bouche, qui est Olivier Catrin, bien évidemment. Olivier, déjà, ma question, elle est évidente. Pourquoi l'envie de partir? Pourquoi pas l'envie? D'ailleurs, pourquoi le départ de l'AFCA? Je suis le premier à le dire ici, même si on se... Et souvent des petites choses, le travail que tu as fait notamment était vraiment important et voilà, et que ça va, même si les personnes qui restent, c'est pas moi qui le dis en plus, enfin je le dis, mais il y a aussi le président dans son édito de l'AFCA qui dit bien à quel point Olivier Catrin et Bernadette Broussal, qu'il ne faut pas oublier aussi, qui est partie en début d'année, donc d'un seul coup après Mikal il y a quelques années, on a deux personnes, il n'y a plus pour l'instant que Marina, mais... Cet édito nous dit bien que elle restera pas seule depuis très longtemps. Voilà. Oui. Est-ce que c'était ça fait longtemps donc que t'es à l'AFCA? Ah oui, depuis début 2002. Ça fait 6 ans quand même. Pourquoi le départ? Oh, plein de raisons. Celle que tu peux dire au micro. Celle que je peux dire au micro. Ça peut pas se dire au micro. Oh, pourquoi pas. Mais j'aime bien me lancer dans des aventures, j'aime bien porter des choses, des projets et tout ça. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à l'AFCA, puisque j'ai créé la fête du cinéma d'animation, ça a été quand même le gros truc que j'ai lancé à l'AFCA. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de lassitude à répéter tous les ans la fête du cinéma d'animation. Enfin, j'aimais bien, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que chaque année, j'avais un peu plus de mal à me lancer dedans. Parce que c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes processus. Il y a un effet répétition qui fait qu'au bout d'un moment, on va dire, la motivation s'use un petit peu. Et donc, c'est une des raisons principales, on va dire. Bon, il y en a d'autres qui sont diverses et variées. Il y a un ensemble de choses, on va dire. Mais voilà, beaucoup ça, je crois. Si je te posais la question, c'était aussi pour savoir si le fait de rencontrer, parce que t'as rencontré beaucoup de créateurs. Mmh. Ah, quelqu'un, c'est le portable. ça arrive des fois. Toi, t'as rencontré beaucoup de créateurs. Est-ce que l'envie aussi, parce qu'on va arriver à ce que tu fais maintenant, et pourquoi aussi autour de cette table? Je te remercie aussi d'avoir, c'est toi qui as organisé tous les invités, donc j'en profite pour te remercier. On va arrêter après les remerciements, les flatteries. Est-ce que c'est ça? Est-ce que aussi le fait de rencontrer tous ces nombreux créateurs à travers l'AFCA, t'as donné envie de monter cette boîte de production? Quand je suis rentré à l'AFCA, c'était vraiment pour créer la fête avant tout et m'occuper du centre de ressources. Et m'occuper du centre de ressources, ça voulait dire aussi répondre à toutes les demandes qui sont adressées à l'AFCA, les plus variées. Et c'était très amusant parce que j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses à ce moment-là. Donc je recevais des gens aussi, et notamment des porteurs de projets. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis intéressé de plus en plus à cet aspect-là. J'avais de plus en plus envie d'aller vers le monde de la création, on va dire. Et de suivre des projets. Il y en a que j'ai suivi pas mal, des gens avec qui j'ai des contacts assez réguliers autour de leurs aventures de création de films. Et donc, c'est un peu naturel, on va dire, que je me sois tourné vers l'idée d'aller vers la production. Ceci dit, j'avais envie de partir de l'AFCA avant de savoir que j'allais faire de la production, en fait. C'était quelque chose à laquelle je pensais, mais c'était pas forcément évident pour moi. C'est quand même se lancer, se dire je vais me lancer dans la production. Quitter un travail salarié pour se lancer dans la production, c'est quand même pas très très raisonnable, surtout quand on est père de famille. Donc c'était pas forcément un pas facile à franchir, quoi. Et c'est vrai que c'est beaucoup la rencontre avec Serge et qui a fait que ça c'est devenu possible, quoi. Alors the three bears. Ouais, j'essaie de prononcer dans les trois ours. Les trois ours. Alors vas-y, ouais. Dis-nous-en un peu plus. Oui, j'ai un peu de mal avec le three. Dis-nous-en plus sur les trois ours, parce qu'on voulait en savoir un peu plus. Alors les trois ours, eh bien, les trois ours, c'est trois personnes, c'est trois ours, trois mecs de 40 ans qui se lancent dans une aventure, on va dire. On s'est rencontrés il y a peu près, enfin on se connaissait avant, notamment avec Serge, ça fait des années qu'on se côtoie, Serge Elissane. Mais il y a un an, on s'est rendu compte qu'on avait un peu la même envie, un peu moins d'un an d'ailleurs. On était avec Rand Jens d'ailleurs. Qui était malade. Qui était malade. Les quatre ours. Voilà, on était en Chine ensemble. Et on s'est rendu compte qu'on avait un peu tous les trois la même envie. C'est donc, qui le troisième ours ? Donc Serge Elissalde, que vous connaissez, le réalisateur, et le troisième ours étant Jack Wang, qui est lui un studio d'animation à Shanghai qui s'appelle Bellanime, et c'est lui qui a fait l'animation notamment, il a fait beaucoup de choses, mais notamment sur U et récemment sur la partie Matoti de Peur du Noir. D'accord. Voilà. Donc Serge Elissalde, hein, juste au cas où, réalisateur notamment, on en a parlé tout à l'heure évidemment, et réalisateur de U. Et de quelques magnifiques courts-métrages, notamment grâce à Dora. Tout à fait. Et c'est donc l'envie à la base, c'est de produire d'autres personnes, de produire, parce que là on a encore une fois trois personnes là, différentes dans leurs envies, c'est... Pour Serge Elissalde, c'est pas forcément, on va en parler, se produire c'est, lui. Non, c'est vraiment l'idée, c'est pas, enfin, l'envie de Serge, c'est pas forcément de se produire lui, même si je pense qu'effectivement il va en arriver à ça. Mais c'était plutôt l'envie de pouvoir produire aussi des gens qui sont autour de lui et qui ont des projets. Et voilà, donc c'est vraiment une envie de producteur, comme moi, d'accompagner des projets, de trouver des projets intéressants, les accompagner, les faire naître. Et quand vous le montez, vous avez déjà une idée de projet, vous avez déjà des idées de projet ou pas du tout? Vous montez, on verra bien, on va chercher par au la début, suite. Non, pas vraiment. Moi, on connaît forcément, moi, 6 ans à l'AFCA, je connais beaucoup d'auteurs aussi avec qui j'ai envie d'aller. Pareil pour Serge. Alors pour Jack, la question est un petit peu différente parce qu'il n'est pas du tout dans le domaine du court-métrage. Donc lui, il a plutôt envie de projets plus industriels, on va dire, du long-métrage ou de la série et des choses comme ça. Mais surtout, lui, il avait envie de pouvoir travailler sur des projets d'initiative chinoise et d'essayer d'amener un peu autre chose à ce qui se fait actuellement en Chine et d'aller faire des choses un peu plus soit littéraires, soit plus proches du quotidien, pas simplement des trucs d'aventure, des choses comme ça, comme il se produit beaucoup là-bas. Alors quels sont les premiers films sur lesquels on devrait voir en générique les trois ours avec vos trois têtes? Alors on a déposé un dossier avant même d'exister, puisque les trois ours n'existent pas encore. La société va être créée courant mars, normalement. On a déjà déposé un dossier. Vous avez le droit Oui, bien sûr. Mais un auteur peut déposer un dossier. D'accord. Il n'y a pas de problème. Un auteur, ok. Voilà. On va voir. Est-ce que c'est pas plus difficile quand il n'y a que l'auteur qui dépose CNC, enfin ce genre de choses, quand il n'y a que l'auteur, c'est pas... On peut se dire parfois sur certains projets, puisque je suis aussi à la commission au CNC, même si je n'y serai pas pour la prochaine, parce que j'ai déposé un dossier, enfin, j'estime que c'est nous qui l'avons déposé, même si on n'existe pas encore, donc je n'aurai pas mon mot à dire. Et c'est vrai que ça ne joue pas vraiment, sauf peut-être sur des projets qui seraient très très ambitieux, où il n'y a pas de producteur, on se dit, est-ce qu'effectivement ils vont réussir à trouver un producteur? On peut peut-être se poser la question. Mais je crois que c'est assez secondaire. Je ne pense pas que ce soit décisif. C'est compliqué ça d'être à la... C'est toi qui lance le débat. À la commission, d'être à la CNC, commission, d'être producteur en même temps, il y en a beaucoup. Ça arrive, oui. Enfin, il y en a pas mal qui sont des producteurs qui sont à la commission au CNC. Quand il y a un projet qui les concerne, eh ben, ils ne se cachent pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils sortent de la salle. Même pas, moi. Je n'assiste pas du tout à la commission. À toute la commission. Même pour les autres films, c'est-à-dire du même coup, pour les autres films. Ah, oui, avant, d'accord. Mais est-ce que c'est une décision personnelle ou est-ce que c'est une décision de la part du CNC lui-même, Dora? Je sais pas. C'est des pratiques du CNC, ce qui est d'accord. normal. Oui, c'est normal, mais toutes les commissions, c'est comme ça. La Procireb, c'est pareil. Quand il y a un projet qui passe, on sort de la salle ou on n'y assiste pas la commission. Mais à l'époque, on sortait. On assistait quand même au reste de la commission. Ah oui. Non, moi j'ai posé la question au CNC, on m'a dit on mettra quelqu'un d'autre. Ouais, tu seras pas là. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est pas dans tous les, dans toutes les. J'ai déjà dit à ce micro plusieurs fois cette anecdote, mais c'est pas dans toutes les différentes commissions du CNC. C'est peut-être parce que justement au CNC il y a des suppléants, alors que par exemple à Unifrance ou à la Procireb il y a pas de suppléants qui viennent remplacer au cas où il y a une absence ou un... Le problème du CNC est plus au niveau... alors là, je parle, ça n'a rien à voir avec l'animation. Moi, je parlais dans mon travail, qui est le DVD. Et on a eu un problème une fois avec un journaliste qui, en fait, faisait des suppléments sur les DVD, en fait, de petits camarades, éditeurs de DVD, qui, en effet, on s'est rendu compte... aidait plus ou moins, il ne fait plus partie des commissions, on a un peu râlé, et qui même, comme il avait la voix dans certains magazines, voilà, qui le magazine est positif et puis il y a l'autre. Voilà, et il écrivait donc dans les cahiers du cinéma plein de choses pas très gentilles. Et donc voilà, et on se rendait compte de ça. Alors, c'est beaucoup plus, c'est différent. C'est-à-dire que c'est vrai que ça c'est beaucoup plus larvé, on va dire, que réellement être producteur et sortir. C'est des petites choses qui, malheureusement, arrivent au CNC. Il y a des bonnes choses aussi, donc on ne va pas non plus dire que des méchantes choses, loin de là. Mais c'est vrai que c'est bien. Donc, au moins à ce niveau-là, les gens sortent. De toute façon, il y a forcément, quand on voit les projets arriver, la plupart des gens, on les connaît. Donc, il y a une part d'influence aussi qui est liée à la personnalité des individus. C'est inévitable. On est obligé de faire avec. Après, il y a l'honnêteté des gens, de ne pas faire trop de copinage. Quoi. Et ça, on peut malheureusement pas le juger tellement. Donc, c'est autre chose. On est obligé de faire avec. Non, mais disons de toutes les manières que... le travail d'un producteur, c'est aussi d'envoyer un dossier qu'il sent prêt à être envoyé dans les commissions, alors que de temps en temps, un réalisateur seul ne sent pas toujours suffisamment bien le travail d'un producteur. Il y a une expérience qui fait qu'à un moment, on dit c'est bon, on peut l'envoyer, alors que peut-être un réalisateur l'aurait envoyé un peu plus tôt. Les membres des commissions, du CNC ou d'autres commissions, peuvent considérer que ce dossier, à ce moment-là, n'est pas encore abouti. Donc, le producteur a un rôle assez important quand même. Parfait, on va rentrer alors. On va juste, parce que tu n'as pas répondu, c'est moi qui t'ai coupé, c'est possible. Juste les projets, après comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet sur le collectif. Les projets des Trois Ours. Alors, il y a un projet, le projet qui a été déposé, c'est des gens qui sont à Angoulême, donc qui travaillent dans le même atelier que Serge et Lissal, qui ont travaillé sur U. Deux jeunes auteurs qui n'ont jamais fait de court-métrage pour l'instant, donc c'est vraiment un premier projet qu'en fait ils ont élaboré tous les deux ensemble, en couple, c'est un couple. Voilà, y en a un certain nombre de couples dans l'animation, c'est un couple de plus j'espère. Et puis après, alors il y a des choses qui sont en cours, mais c'est peut-être un petit peu tôt pour les évoquer. Enfin, comme tu veux. Ouais, si tu me dis que c'est trop tôt, je comprends. Je pense c'est un peu. Celui-là, il est déposé en tout cas. Voilà. Et puis on va travailler pour Ron Dienz ici présent normalement. Peut-être si on a les sous. Toi, en tant que producteur exécutif. Ouais. En tant que producteur exécutif, ouais, sur un très beau projet qui j'espère verra le jour. Normalement, il devrait voir le jour. Logiquement, oui. On a le Canada aussi qui est sur le projet, en fait. D'accord. Voilà. On va parler de la force, justement, des coproductions juste après. Pour l'instant, c'est surtout des premiers films, en fait. Hein. Même si, effectivement, il y a des réalisateurs que je connais depuis des années, que j'ai sollicités. Parce que, alors j'ai choisi effectivement des gens, j'ai pas essayé de voler des auteurs qui travailleraient avec un producteur. J'ai choisi plutôt des gens qui, pour une raison ou pour une autre, par exemple, ont fait une école ou ont fait un premier film et puis après ça sont allés vers d'autres choses, la série, la pub, le clip ou des choses comme ça, et qui, en les poussant, il faut peut-être. T'as pas un petit projet de court-métrage derrière, hein, parce que c'est des gens qui ont du talent et c'est peut-être bien. Si on leur propose, peut-être qu'ils auront envie d'aller vers ça. Bon, puis il y a des gens qui sont allés naturellement. Vers Serge ou vers moi parce qu'ils nous connaissent. Okay. Et que voilà. Et puis bon, on va pas le dire, mais on espère que normalement on te reverra dans un ou deux ans pour nous parler de la suite de la société. Ouais. Il y aura peut-être une jeune réalisatrice qu'on a déjà entendue au micro ici, étudiante, et avec qui tu, pour l'instant, vas peut-être travailler pour faire son cours. Mmh. On souhaite que ça. On va faire une petite pause. Il est l'heure, parce qu'évidemment, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis très, très en retard, mais c'est toujours passionnant d'avoir ce genre de commentaires. Alors, c'est vrai que je me laisse souvent un peu emporter. Donc, vite, passons à la prochaine. Et évidemment, je m'y perds un peu. Non, pas du tout. Alors là, je vais vous faire écouter quelque chose de très, très particulier. Ça s'appelle Afri Rampo. Encore pire. Ah non, là, Richard, tu peux sortir du studio. Donc, ça s'appelle Afri Rampo. C'est deux filles d'Osaka, deux Asiatiques. C'est complètement barge. C'est tiré de l'album Kolega Mayukada. Mayakuda, pardon, qui a été signé sur Tzadik. Tzadik, vous connaissez peut-être, c'est le label de John Zorn, ce grand saxophoniste jazz au départ américain qui ensuite va faire beaucoup, beaucoup de choses, va signer énormément de choses dans un superbe album de reprise de Gainsbourg notamment. Complètement fou. Et alors vous allez voir, c'est assez particulier, je vous le dis de suite. Le morceau s'appelle I Want You, c'est Afri Rampo, on écoute. One time. voilà.